Chapitre 8. Faute de place, Amy et Sharon avaient dû se résoudre à coucher sur une paillasse, à même le sol dans un recoin. Ce sol, constitué de sections métalliques perforées, était désigné sous le terme de dalle de circulation. Sous cette dalle s'alignaient les accus dont les échanges chimiques finissaient par produire des gaz explosifs. Eutz, le Bosco, leur avait expliqué qu'on ne pouvait pas se déplacer à sa guise dans un sous-marin en plongée, car le moindre changement imprévu dans la répartition des poids compromettrait l'équilibre du bâtiment et le mettrait en danger. « Il faut demander la permission avant de bouger, » insista-t-il. « C'est comme si vous étiez sur une balance, comprenez-vous? Si vous changez de plateau, le fléau se met à pencher. En agissant ainsi, vous pouvez contrarier la manœuvre. Parfois, il suffit d'un rien pour que le cigare, le sous-marin, pique du nez dans les abîmes. » Amy hocha la tête avec docilité. Un autre problème surgit avec les toilettes. L'utilisation du réduit s'avéra d'une complication extrême. Eutz, gêné, dut les amener au seuil de la cabine d'aisance et mimer les gestes nécessaires. « Quand nous sommes en plongée, il est toujours délicat d'aller au petit coin, » marmonna-t-il en rougissant. « Car l'évacuation des déchets doit se faire en deux temps, en luttant contre la pression exercée par la mer sur les clapets. Vous voulez les ouvrir, mais elle ne veut rien entendre. Elle pèse dessus de tout son poids, comme si elle refusait de recevoir votre colis. Elle s'appliquera même à vous le renvoyer à la figure en s'engouffrant dans le tuyau. Il suffit d'une erreur dans le maniement des clapets et l'on se retrouve douché de la tête aux pieds. Mais le plus grave, c'est que si les clapets restent coincés en position ouverte, la mer s'engouffrera dans le sous-marin comme elle le ferait par une déchirure de la coque, avec une force terrible due à la pression. Des hubots ont sombré de cette manière. Ce n'est pas glorieux, mais c'est tout de même tragique. » Amy le remercia pour ses explications. Elle avait hâte que l'épisode des toilettes prenne fin, car elle devinait Sharon sur le point de pouffer de rire. Quand elles furent de nouveau seules, la fillette murmura : « Dis donc, je ne savais pas que sur les sous-marins allemands, il fallait passer un diplôme d'ingénieur pour faire caca. » « Sois un peu sérieux, » chuchota Amy. « Ils nous observent, mine de rien. Nous ne sommes pas les bienvenus à bord. Ils croient que nous portons malheur. Mieux vaut nous faire oublier. » Le U-boat resta en surface jusqu'aux premières lueurs de l'aube pour recharger ses batteries. Mais dès que le soleil se dessina à l'horizon, Weser ordonna à l'équipage de gagner les postes de plongée. Dès lors, ce fut le branle-bas de combat et un concert d'ordres hurlés d'un bout à l'autre du fuseau d'acier. Les moteurs électriques se réveillèrent, emplissant le submersible de leur vacarme. On avait beau les avoir vissés sur d'énormes socles afin d'amortir les vibrations, Amy et Sharon sentaient leurs dents jouer les castagnettes. « Chassez les balsates, » ordonna Weser. « Les barres à 20 degrés. En avant lente. » Le gouvernail de profondeur bougea et le U-boat s'enfonça au milieu d'un geyser d'écume. Weser voulait descendre à 150 mètres afin d'être invisible des nuages. Très vite, le goût de l'air se modifia. Amy savait que les ventilateurs aspiraient et recrachaient en permanence l'air ambiant après l'avoir filtré à travers des cartouches de potasse qui le purifiaient de son gaz carbonique. C'était un système artisanal qui, en cas d'immersion prolongée, atteignait rapidement ses limites. Quand la potasse était saturée de CO2, on ouvrait les bonbonnes d'oxygène. Tous les marins souffraient de migraines, de nausées et de bourdonnements d'oreilles, conséquence d'une hypoxie rampante. Quand le taux d'air respirable descendait au-dessous de la limite de sécurité, il arrivait que certains matelots meurent pendant leur sommeil. Amy avait été prévenue. Il fallait se méfier de la somnolence. C'était souvent le premier symptôme d'une asphyxie sournoise. Assise sur la paillasse, la jeune femme attira Sharon contre elle. La fillette portait désormais le masque de soie que lui avait jadis taillé Suzanne Worthington. Tout autour d'elle, les tôles craquaient, comme si les soudures allaient sauter d'une minute à l'autre. Amy lutta contre le sentiment d'étouffement qui l'oppressait. Elle avait horreur d'être ainsi enfermée dans un cercueil d'acier qui plongeait dans les abîmes marins. Les barres à zéro, ordonna Weser, stabilisation. Le silence se fit. On resterait ainsi tant que les bombardiers venus au secours de l'Almoa ne seraient pas repartis. Siegfried vint les rejoindre. Il s'assit à côté des deux filles sur la paillasse de varech séchée. Qu'est-ce qu'on attend, s'enquit Ami? Le bombardement? Les avions vont lâcher des torpilles sous-marines à ondes de choc. Ça signifie quoi exactement? L'eau étant incompressible par définition, le souffle va la chasser vers nous comme un raz-de-marée. Le but, c'est de nous balayer, de nous envoyer dinguer, de tordre l'étaule du U-boat et d'ouvrir des voies d'eau. Si on se trouve sur le trajet de l'onde de choc, on est écrasé comme une boîte de conserve sous un marteau pilon. Voilà pourquoi Weser est descendu si bas. Il fit une pause avant d'ajouter en grommelant « L'ennui, quand on descend trop bas, c'est que parfois le sous-marin n'arrive pas à remonter. Il suffit d'une panne de moteur pour se retrouver cloué au fond. » Il respirait avec difficulté et son visage luisait. « À part ça, souffla-t-il, nos affaires ne se présentent pas trop mal. » Et, la bouche collée à l'oreille d'Ami, il entreprit de lui raconter son entrevue avec le capitaine. La jeune femme haussa les épaules. Elle se moquait bien des joyaux de la couronne. Elle voulait juste sortir vivante de cette aventure, et le plus tôt possible. « Tu te rends compte, » rêva Siegfried, « ce serait un coup énorme. Nous pourrions négocier leur restitution auprès du gouvernement britannique. » Il était incorrigible. Il ne renoncerait donc jamais. Une heure s'écoula ainsi. Personne ne bougeait. Les hommes, suant sous l'effet de la tension nerveuse, demeuraient immobiles à leur poste. Ami souffrait de ne pouvoir contempler ce qui se passait à l'extérieur. Elle aurait voulu disposer d'un hublot. Siegfried lui expliqua que c'était impossible. Toute ouverture aurait affaibli la résistance de la coque. Passé 200 mètres, la pression est si forte que même les soudures commencent à lâcher, grogna-t-il. Écho dans le lointain annonça le préposé au sonar. Grenadage en cours. Attention, ça va secouer. Ils se cramponnèrent aux tuyaux qui se déployaient autour d'eux. Soudain, le U-boat se coucha sur le flanc comme s'il encaissait une lame par le travers. La lumière vacilla. De l'eau se mit à couler du plafond. Des étincelles jaillirent d'un panneau de connexion électrique. Ça va aller, souffla Weser. Les avions sont rentrés. Ils sont déjà à la limite de leur réserve de carburant. Ils ne peuvent pas se permettre de survoler indéfiniment le lieu du naufrage.